Aya, the LACKO, Power Sound, Sniper. Une mention dédicacée pour la jeunesse. Triste jeunesse. Des voitures sans se soucier du mal qu'il fait.